je peux teaser plutôt qu'à mon mouchoir. Je m'accroche aux remises tant qu'il y a de l'espoir. Je fraternise avec le soir. Ça baisse et des souvenirs amers.